Chapitre 13. Voilà un particulier qui a failli nous mettre dans de beaux draps, dit Bunou-Bunou quand Dantin eut refermé la porte. C'est le rôle d'un policier de voir partout des coquins. Cependant, vous conviendrez que monter jusqu'au prince de Hennig, c'est vif. Je me demande s'il n'a pas cru voir ce qu'il dit avoir vu des manœuvres de Théodore et de Julien. Je me le demande aussi. Nous voyez-vous expulsant ces pauvres garçons, les accusant? J'ignore si je m'amuse, mais il me semble que dans ces fonctions d'agent de police, on doit prendre bien souvent le rêve pour la réalité. C'est ainsi que court de par le monde tant de légendes sur les tricheries dans les cercles. Personne n'a vu voler, mais on connaît des gens qui ont vu. Et alors? Et alors? Et le préfet de police, avec ses airs mystérieux et discrets? Mon cher député, on triche chez vous. Et notez que c'est le meilleur agent de la brigade des jeux. À ce moment, on frappa à la porte. Adeline n'eut que le temps de jeter un journal sur les cartes qui couvraient son bureau. C'était Frédéric qui venait au renseignement. En voyant ses allées venues, ses conciliabules, il n'était pas sans inquiétude. Que signifiait tout cela? Mais en trouvant son président et Bunou-Bunou riant aux éclats, il se rassura. Évidemment, il ne se passait rien de grave. Et après quelques mots, pour justifier tant bien que mal son entrée, il se retira, se disant qu'à coup sûr, il se moquait du commerçant de Nantes. J'ignore si je m'abuse, mais il me semble que c'est de la démence toute pure de prétendre qu'il peut se trouver des signes quelconques sur des cartes neuves enfermées dans des enveloppes scellées du timbre de l'État. Vous qui connaissez le jeu mieux que moi, voulez-vous m'expliquer ce qu'il a voulu dire? Je n'en sais vraiment rien. Et c'est le meilleur agent de la brigade des jeux. Et nous restons là, à l'attendre au lieu d'aller nous coucher. Ils n'attendirent pas longtemps, avant que les 20 minutes fussent écoulées, Dantin arriva. « Voulez-vous me permettre de fermer la porte ? » dit-il d'une voix haletante. « Si vous voulez. » L'examen de Dantin, armé de sa loupe, ne fut pas long. « Le voilà, le signe, » s'écria-t-il. « Tenez, messieurs, regardez vous-même, là. » Et donnant la loupe et la carte à Adeline, il montra du doigt où il fallait regarder. Les cartes avec lesquelles on jouait aux rentilles et qu'on fabriquait exprès pour lui, au lieu d'être unies, étaient arrotées en losanges roses et blancs, et la marque qui se voyait avec la loupe était une toute petite tache imperceptible, faite sur un des losanges qui répondait au point même de la carte, sur le premier pour l'as, sur le troisième pour le 3, sur le 9e, sur le 12e, afin de laisser un écart facilement appréciable pour le 10 et les figures, de sorte qu'en voyant cette petite marque, on savait la carte, comme si on la regardait à découvert. « Comment on fait ces tâches ?» dit Dantin. « Je n'en sais rien puisque je n'y étais pas. Mais je jurerais que c'est avec une pointe d'aiguille rougie, approchée des cartes, qu'a terni le vernis. En tout cas, c'est du bel ouvrage, propre, original et trouvé. » « Mais ces cartes étaient dans des enveloppes scellées par la régie, » dit Bunou-Bunou. « Il en est des bandes de la régie comme des enveloppes gommées de la poste. On les ouvre sans les déchirer, en les exposant à la vapeur de l'eau bouillante. » On retire alors les cartes une à une par le bout ouvert, on les marque, quand elles sont sèches, on les replace une à une, on gomme la bande et le tour est joué. Voilà des cartes neuves qui doivent inspirer toute confiance. Celui qui n'a pas une loupe ou de fortes lunettes n'y voit rien. Ce sont de très habiles opticiens que messieurs les Allemands. Mais il faut un complice, dit Adeline. Aussi, y en a-t-il un ou deux, en tout cas, le garçon d'appel qui apporte les jeux et qui substitue à ceux qu'on lui a remis ceux qui ont été préparés. « Est-ce possible ?» murmura Bunou-Bunou. « Vous allez le voir que vous interrogerez ce garçon, mais en attendant, laissez-moi, je vous prie, vous prouver qu'avec ces cartes, on joue à jeu découvert, et vous montrer comment le prince opère. Tout à l'heure, vous avez douté de moi, je m'en suis bien aperçu. Laissez-moi me réhabiliter et vous convaincre que je ne suis pas le fou que vous avez cru. » Ils étaient trop confus de leur incrédulité pour lui refuser ce qu'il demandait. Il prit place au milieu du bureau en faisant asseoir Adeline à sa droite et Bunou-Bunou à sa gauche, comme s'ils étaient à une table de baccarat où ils seraient banquiers. Puis, tenant sa loupe de sa main gauche, de la droite, il donna les cartes. « Maintenant, dit-il, avant que vous releviez vos cartes, je vais vous dire vos points. À droite, il y a une figure et un 6, à gauche, un as et un 7. Moi, j'ai une figure et un 5, je dois donc tirer, et je le fais d'autant plus sûrement que je sais que la carte que je vais retourner est un 4. » Disant cela, il la retourna, c'était bien 4, comme les points qu'il avait annoncés étaient bien ce qu'il avait dit. Adeline et Bunou-Bunou se regardaient consternés. La démonstration était plus que faite. « Me permettrez-vous de vous demander, dit Dantin, ce que vous voulez faire ?» La même réponse sortit instantanément de leurs deux bouches. « Pas de scandale, il faut étouffer l'affaire. » Cette réponse était trop conforme à la tradition pour que Dantin s'en étonnât. Pas de scandale. C'est le mot de tous les présidents de cercle lorsqu'un scandale éclate chez eux. Dans la rue où il y a tout le monde, on crie au voleur. Dans un cercle où il n'y a qu'un monde choisi, on ne crie rien du tout. On expulse poliment le voleur sans prévenir personne, de façon à lui laisser toutes les facilités d'aller voler chez le voisin. Si Adeline voulait éviter un scandale auquel son nom serait mêlé et qui compromettrait le Granty, il ne voulait pas cependant que le prince allât continuer son industrie dans les autres cercles de Paris. « Il est bien entendu, dit-il, que nous n'accorderons pas l'impunité au prince de Hennick, et que nous ne nous contenterons pas de lui écrire une lettre banale pour lui interdire l'entrée de notre cercle. Il faut qu'il quitte Paris et la France. » Qu'il aille exercer son industrie dans son pays, dit Bunau-Bunau, je n'y vois pas d'inconvénient, au contraire. Et le garçon de jeu, demanda Dantin, je vais le chasser. Ne livrant pas l'auteur principal à la justice, dit Bunau-Bunau, nous ne pouvons pas lui livrer le complice. Ne désirez-vous pas savoir comment cette complicité s'est établie? Certainement. Nous allons l'interroger. Et Aline, ayant sonné, dit au domestique qui se présenta d'aller lui chercher Léon. Si vous voulez bien me le permettre, dit Dantin, je l'interrogerai moi-même. J'obtiendrai peut-être des aveux plus vite, en même temps que je le forcerai à ne pas ébruiter l'affaire. Faites. Léon entra, l'air embarrassé et inquiet, regardant autour de lui. Répondez à tout ce que monsieur vous demandera, dit Adeline en désignant de la main Dantin adossé à la cheminée. Comment t'appelles-tu? Dit celui-ci d'un ton rude. Mais Léon? Ce n'est pas un nom, tu en as un autre. Chemin. Tu es normand, c'est vrai. D'où? D'Arc. C'est au casino de Dieppe que tu as pris le métier? Oui. Tu es marié? Il fit un signe affirmatif. Où est ta femme? Que fait-elle? Elle tient un café, à Arc. Eh bien, tu prendras ce matin le train de 6h45 pour Dieppe. Et tu resteras auprès de ta femme à tenir ton café avec elle. Si tu reviens à Paris, la police correctionnelle, et après, Poissy. Mais avant de partir, tu vas dire à ces messieurs ce que le prince de Hennick te donne pour que tu lui apportes les cartes préparées, et comment l'affaire s'est arrangée entre vous. Des cartes préparées. Dantin enleva le journal qui recouvrait les trois jeux. Les voici. Léon était déjà à moitié anéanti. Cette façon brutale de l'interroger en affirmant lui avait fait perdre la tête. La vue des cartes l'acheva. Je n'ai jamais parlé au prince, je vous le jure, balbutia-t-il. Eh bien, qu'est-ce qui te remet les jeux? Je ne sais pas son nom. Un petit homme jaune, grêlé, que j'ai connu au café où je vais. Il m'a dit que le prince ne pouvait jouer qu'avec ses cartes, des cartes neuves, faites exprès pour lui, un fétiche, quoi. Bien sûr. Sans ça, et si les cartes n'avaient pas eu leur bande, je n'aurais jamais consenti. On peut prendre des renseignements, tout le monde dira que je suis un honnête homme, j'ai 4 enfants. Ça vaut cher, un fétiche comme celui-là, car il est fameux. Léon hésita un moment. Ne fais pas le malin, dit Dantin rudement. 1000 francs. Maintenant tu vas prendre tes hardes et filer sans dire mot à personne. Si tu causes, au lieu d'aller jusqu'à Arc, où tu seras heureux comme le poisson dans l'eau, tu t'arrêteras à Poissy, où on ne s'amuse pas. Léon ne se le fit pas dire 2 fois. Peu à peu il avait reculé vers la porte. Il l'entrouvrit et se faufila dehors. Voilà, dit Dantin, 1000 francs offerts pour substituer un jeu de cartes à un autre. Et la tête tourne. Adeline et Bunau-Bunau tinrent conseil pour savoir comment ils procéderaient avec le prince. Et il fut décidé qu'on attendrait son arrivée le lendemain et qu'au lieu de le laisser entrer dans la salle du baccarat, on le prierait de passer dans le cabinet du président. « Vous vous trouverez là, dit Adeline à Dantin, et vous préciserez la tricherie si le prince essaye de la contester. » Dantin allait se retirer, Adeline le retint. « Nous vous devons des remerciements, dit-il, pour le service que vous nous avez rendu. Nous vous devons aussi des excuses, car je l'avoue, à certains moments, nous avons douté de vous. Le préfet saura combien. Vous nous avez été utile dans cette misérable affaire. » Quand Dantin arriva le soir à 11 heures au Granty, il remarqua qu'on le regardait d'une façon bizarre et qui lui parut soupçonneuse. En effet, les conciliabules dans le bureau du président, la disparition des cartes qui avaient servi à la banque du prince de Hennick, enfin l'absence inexpliquée de Léon, avait fait travailler les langues. Ce n'est pas dans un cercle qu'on attend les coups du sort avec l'impassibilité d'une conscience tranquille. Cependant, personne ne lui adressa la parole, pas même Frédéric, qui causait avec Barthelas, car Adeline mettait devant de lui. « Voulez-vous m'attendre dans mon cabinet ? dit celui-ci, vous y trouverez Monsieur Binou. Je vous rejoins tout à l'heure. » En effet, Adeline ne tarda pas à arriver, accompagnée du prince, qu'il fit passer devant lui poliment. « Vous désirez me parler ?» demanda le prince avec une hauteur dédaigneuse. « Oui, monsieur. Nous avons à vous demander des explications sur votre façon de jouer. À moi ?» Ce moi fut dit avec la fierté la plus superbe. « Et nous vous prions de nous les donner devant monsieur, » continua Adeline en désignant Dantin. Celui-ci s'avança. « Dantin, inspecteur de la brigade des Jeux. » « Qu'est-ce à dire ?»« C'est-à-dire que vous trichez, prince. »« Misérable ! Vous trichez avec ces cartes. » Il présenta les cartes que vous remet le garçon de jeu, à qui vous donnez 1000 francs. Le prince hésita un moment en jetant autour de lui des regards féroces. Puis tout à coup, laissant tomber sa tête sur sa poitrine, les jambes flageolantes, comme s'il allait défaillir. « Messieurs, ne me perdez pas. Pour l'honneur de mon nom. Un moment d'égarement, je vous expliquerai. » « Vous n'avez rien à expliquer, » dit Dantin. « Vous avez à prendre demain matin le train de 7h30 pour Cologne et ne jamais revenir en France. »« C'est impossible demain. La princesse vous rejoindra. Cologne ou la police correctionnelle. Je partirai. » Le lendemain, à 7h15, Dantin, de surveillance à la gare du Nord, vit le prince en costume de voyage et sans lunettes descendre de voiture et se diriger vers le guichet. Il le suivit de loin, mais en se tenant dehors des barrières, au lieu de passer dedans et en détournant la tête pour que le prince ne le reconnût pas. « Compiègne ? » demanda le prince en posant un billet de banque sur la tablette du guichet. Dantin lui prit le bras. « Compiègne est en France. C'est Cologne que vous voulez dire. Cologne !»